Personne n'avait jamais su avant toi caresser mon âme du bout du doigt, señorita. Mi amor. Considérons notre histoire comme un trésor. Mon héroïne, ma foi, mi amor. Imagination.